De retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons nous rendre à la confluence des changements climatiques, de la santé mentale et de la sécurité alimentaire. Une confluence qui peut être tumultueuse. Et pour en parler, je suis en compagnie de Vincent Paca. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, Vincent est médecin résident et chercheur en psychiatrie à l'Université McGill. Il étudie comment divers aspects de l'environnement, comme les médias numériques, l'insécurité alimentaire et les espaces verts, influencent la santé mentale. Et nous sommes aussi en compagnie de Marianne Falardeau. Bonjour, Marianne. Bonjour. Alors, Marianne est co-animatrice à Futur Simple, mais aujourd'hui, elle est là avec son chapeau de chercheuse postdoctorale à la chaire de recherche littorale de l'Université Laval. Marianne étudie l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes marins et les pêcheries arctiques, ainsi que les répercussions sur la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être des Inuits dans l'Arctique canadien. Alors, si Vincent et Marianne sont là tous les deux, c'est parce qu'ils ont écrit, ils ont co-écrit un chapitre de livre qui sera bientôt publié dans le livre Climate Change and Mental Health Equity, donc changement climatique et équité en santé mentale. Alors, pour commencer, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, pouvez-vous nous présenter ce livre et puis le chapitre que vous avez écrit? Oui, avec plaisir. Donc, c'est un livre qui est préparé par Dr. Rhonda Moore, qui est anthropologue et coordonnatrice d'un programme de santé mondiale à l'Institut national de santé des États-Unis. Et le livre va porter sur divers aspects des changements climatiques qui influencent la santé mentale à travers le monde, avec une prise de considération des facteurs liés à la justice sociale et aux inégalités de santé. Le chapitre que Marianne et moi avons écrit porte plus précisément sur le lien entre les changements climatiques, l'insécurité alimentaire et la santé mentale. Et dans notre chapitre, pour illustrer les liens entre ces différents facteurs, on se penche plus précisément sur le cas de la santé mentale des populations circumpolaires, donc les populations autochtones qui vivent dans les régions arctiques et subarctiques, et comment les changements climatiques influencent la sécurité alimentaire de façon plus directe dans ces régions du monde. D'accord. Donc voilà pour la présentation générale. Alors là, donc, on parle de sécurité alimentaire, mais je ne suis pas certaine qu'on comprenne bien ce concept dans son entièreté. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qu'on entend par sécurité alimentaire? C'est une excellente question, un concept qui peut paraître abstrait. En fait, c'est un concept qui vise à définir la relation qu'ont les êtres humains avec leur nourriture. C'est un concept qui a émergé il y a une cinquantaine d'années quand, à l'échelle planétaire, il y avait plusieurs crises alimentaires. Et le concept a beaucoup évolué au fil des années, mais un des piliers dans son développement, c'est le Sommet alimentaire mondial de 1996 à Rome, qui était organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est d'ailleurs une organisation cruciale dans le développement de ce concept-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand, en fait, tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture qui est suffisante, qui est saine et qui est nutritive, qui leur permet de satisfaire leurs besoins énergétiques et aussi leurs préférences personnelles alimentaires, leur permettant ainsi de mener une vie qui est saine et active. Mmh. Pour définir ce concept-là, il y a quatre piliers fondamentaux qui ont été définis. Bien sûr, il y en a plusieurs qui se sont développés au fil des années pour s'ajouter à ceux-ci. Mais dans l'ensemble, c'est tout d'abord la disponibilité de la nourriture. Donc, c'est quoi les aliments qui sont disponibles, dans le fond, dans notre environnement, dans les supermarchés. Ensuite, deuxièmement, il y a l'accès. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces aliments-là? Est-ce que je prends ma voiture pour aller au supermarché ou est-ce que je prends un bateau pour aller pêcher un poisson? Ah oui. Des choses comme ça. Puis, troisièmement, il y a l'utilisation. Comment est-ce que mon corps, en tant qu'être humain, va utiliser la nourriture que je mange? Ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer cet aspect-là. Puis, quatrièmement, on parle de stabilité. Donc, c'est notre capacité à accéder à la nourriture sur le long terme qui peut être altérée par exemple, des événements extrêmes climatiques ou des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement globales. Donc, voici pour un petit topo là, de ce que ça représente comme c'est concept. C'est plus complexe qu'on pouvait y penser de prime abord. Et effectivement, je n'avais pas pensé que l'accès à l'offre alimentaire, c'était pas juste aller à l'épicerie, ça pouvait aussi aller en canot ou aller sur un lac pour pêcher. Cet aspect-là. Alors maintenant, on met tout ça dans un contexte de changement climatique. Donc, comment la sécurité alimentaire, en fait, comment les changements climatiques vont affecter cette sécurité alimentaire? Comme je l'ai défini, il y a quatre piliers fondamentaux. Il y en a plusieurs autres qui se sont ajoutés au fil des années, là, mais dans ce chapitre-là qu'on a coécrit avec Vincent, on s'est concentré sur ces quatre piliers-là comme un cadre conceptuel pour réfléchir aux impacts très complexes des changements climatiques sur la sécurité alimentaire. Et ces changements climatiques affectent en fait chacun des piliers de différentes manières. Autant par notre accès local ou sauvage, disons, là, si effectivement j'avais besoin de prendre un canot pour aller pêcher pour assumer ma sécurité alimentaire, mais aussi les chaînes d'approvisionnement globales, là, l'accès qu'on a dans les supermarchés peut être affecté également par les changements climatiques. Mais bon, pour nommer certains exemples, parce que dans ce chapitre-là, on en définit plusieurs, on vient vraiment décortiquer ces chaînes d'impact sur chacun des piliers. Mais par exemple, j'ai parlé de la disponibilité, donc quels aliments sont disponibles pour nous. Le café est vraiment un exemple d'aliments, là, de boissons, mais qui pourrait être fortement affecté par le changement climatique. Par exemple, il y a une étude importante là, qui a montré que ça serait fortement affecté au Nicaragua, où il y aurait une réduction prédite de 90 % des aires viables à la production du café. Et les aires de production monteraient en altitude avec le réchauffement. Il y a aussi la qualité des grains de café qui serait réduite fortement d'ici à 2050. Ensuite, j'ai parlé de l'utilisation, les nutriments dans la nourriture. Il y a plusieurs études qui ont montré que l'augmentation du CO2, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, affecterait des plantes comme le blé, qui aurait une teneur moins élevée en nutriments, sous des concentrations élevées de CO2. Donc, ah oui. Voici quelques exemples d'impact. Donc là, on voit comment les changements climatiques peuvent affecter la sécurité alimentaire. Maintenant, Vincent, comment la sécurité alimentaire, en retour, elle, affecte la santé mentale? Oui, dans les cas les plus sévères, ce qui est peut-être une minorité des cas d'insécurité alimentaire, il va y avoir des carences alimentaires. Donc, les gens auront insuffisamment de nourriture pour combler leurs besoins alimentaires de base. Et donc, à ce niveau-là, il va avoir un effet biologique sur la santé mentale. On peut penser, par exemple, à la carence en fer, qu'on sait qu'il peut causer des symptômes de fatigue, puis d'autres symptômes apparentés à la dépression. Donc, ça, c'est un effet assez direct du manque de nourriture sur la santé mentale puis le fonctionnement du corps. Mais à des niveaux moins sévères, qui sont assez répandus, on parle d'environ 10 % grosso modo des foyers québécois qui sont affectés d'une forme ou l'autre d'insécurité alimentaire par année. Donc, dans ces formes-là qui sont parfois moins sévères, il va y avoir quand même plusieurs impacts possibles sur la santé mentale. Par exemple, on a fait une étude auprès de 2000 jeunes québécois, parmi lesquels on a retrouvé environ 4 % qui étaient à risque élevé d'insécurité alimentaire récurrente pendant l'enfance. Puis on a vu que parmi ces jeunes, il y avait un risque plus élevé d'utilisation du cannabis, de problèmes scolaires, puis d'exposition à l'intimidation à l'âge de 15 ans. Ah ouais. On peut se demander comment est-ce que l'insécurité alimentaire peut mener à des problèmes scolaires ou à l'intimidation. Mais il faut savoir que... Ça se ramifie, c'est pas juste de pas avoir assez à manger, mais ça débouche sur plusieurs problématiques finalement. Exactement. L'insécurité alimentaire a des ramifications sociales, familiales, interpersonnelles, et c'est ça qui, au fil du temps, peut avoir des impacts complexes sur la santé mentale. Par exemple, il y a des études qualitatives, donc des entrevues avec des jeunes puis leurs parents, qui ont montré que, tout d'abord, l'insécurité alimentaire va causer beaucoup d'incertitudes et de stress chez les parents, qui doivent réfléchir à comment manger, comment obtenir la nourriture, comment séparer la nourriture dans la maison, et c'est une incertitude qui varie d'un jour à l'autre. Ça peut causer à son tour des conflits entre les parents, voire même dans certains cas, on pense que ça peut augmenter la violence conjugale. Et les enfants sont très sensibles et très à l'affût de ces tensions-là dans la famille. Ils perçoivent aussi le stigma qui est associé avec l'insécurité alimentaire. Et à son tour, on pense que c'est ces différents facteurs de stress qui peuvent affecter le bien-être des jeunes et de la famille dans son ensemble. Et ça, c'est sans parler de l'impact de la faim sur la concentration, bien sûr. Il y a d'autres mécanismes possibles. Si on pense aux jeunes qui ont été exposés à l'insécurité alimentaire pendant la grossesse, donc avant la naissance, il y a d'autres mécanismes par lesquels le stress de la mère, de la femme enceinte, va indirectement affecter le développement de l'enfant. Et ça peut aussi avoir des impacts à long terme sur le développement et la santé mentale des jeunes. D'accord. Alors là, dans ce chapitre, vous prenez le Grand Nord comme une étude de cas de ces impacts complexes. Hein. On voit que ça se ramifie vraiment. Est-ce que vous avez des exemples précis d'impacts qui affectent la sécurité alimentaire et la santé mentale dans le Nord? Est-ce que c'est documenté? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de... Ben, en fait, on commence à décortiquer ces impacts-là. Il y a beaucoup d'études. On continue à en faire. Et le Nord est un exemple intéressant puisque c'est un système mixte où est-ce qu'il y a une sécurité alimentaire qui est, comme nous ici dans le Sud, beaucoup basée sur les chaînes d'approvisionnement globales, nationales, donc aller au supermarché, mais il y a une grande importance d'un approvisionnement de subsistance basé sur la chasse, la pêche, la cueillette de petits fruits aussi, qui sont des activités qui peuvent être affectées quand même plus directement par le changement climatique que notre accès à la nourriture dans les supermarchés. Donc, on est venu un peu regarder justement de ces deux côtés-là. Mais puisque, bon, on a parlé quand même beaucoup des impacts plus globaux, mais à cette échelle-là, locale, on a beaucoup d'études, bon, sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes dans le Nord, justement, qui peuvent avoir des impacts sur les quatre piliers. Par exemple, pour ce qui est de la disponibilité des animaux, la perte de la glace de mer qui est très importante dans le Grand Nord pour être un habitat pour plusieurs espèces animales est directement affectée par le réchauffement climatique. On estime là, que la couverture de glace est en diminution rapide. Il est potentiel que l'océan Arctique soit libre de glace en été d'ici quelques décennies. Donc, bien sûr, ça affecte plusieurs espèces, dont l'ours polaire, par exemple, dont les déplacements sont fortement liés à la glace de mer. Il y a également des effets physiologiques qui, éventuellement, pourraient avoir un impact sur la survie. Par exemple, des poissons qui sont utilisés pour la consommation locale. Moi, dans mes recherches, j'étudie beaucoup l'omble chevalier, Iqaluit, qui est un poisson fortement pêché dans les communautés. Mais c'est un poisson, bon, arctique. Un poisson, c'est une espèce ectotherme, donc la température de son sang est à celle de l'eau. Ça s'adapte vraiment à la température de son environnement. Mais bon, une espèce comme l'omble chevalier, son cœur va commencer à être affecté, puis à même à faillir à sa tâche à des températures au-dessus de 21 degrés Celsius. Puis, des études ont remarqué des effets sur la performance du poisson au-dessus de 16 degrés Celsius. C'est encore des températures assez rares en milieu marin ou en milieu d'eau douce en Arctique, mais ça peut arriver des fois des événements de chaleurs extrêmes. On en a vécu dans le sud récemment, ils sont arrivés également dans le nord. Puis de plus en plus, des genres d'événements comme ça vont survenir avec le réchauffement climatique. Donc nécessairement, on s'attend à des impacts potentiels de ce point de vue-là, là, donc sur les espèces animales qui sont pêchées, chassées, etc. Et ça, en retour, comment ça se répercute sur la santé mentale des Inuits, des gens dans ces communautés nordiques? Bien, l'exemple de Marianne est parfait pour illustrer l'importance des aliments, non seulement sur nos besoins physiologiques, les besoins de notre corps de manger, mais aussi sur l'importance des aliments dans la culture, le mode de vie, puis même l'organisation sociale des peuples. Et ça, bien sûr, ça varie selon les contextes socio-culturels. Dans le cas des Inuits, pour reprendre l'exemple de Marianne, l'omble chevalier, c'est un poisson qui est très prisé, pas juste pour son goût, mais c'est aussi un aliment qu'on aime partager dans la communauté, partager en famille. Puis c'est quelque chose qu'on est content d'avoir accès puis de manger. Mais c'est seulement un exemple, on pourrait en nommer plusieurs. Plusieurs aliments reliés au territoire qui sont très importants dans la culture, l'identité Ah oui. du Inuit. Et donc, quand il y a un problème, quand il y a un obstacle à l'accès à ces aliments, mais ça a des impacts néfastes aussi sur la pérennité de la culture, puis même la transmission des savoirs. Dans les communautés inuites, seulement en fait, les activités de chasse, de pêche, de cueillette sont des activités importantes où les jeunes vont passer du temps avec les aînés. Et c'est là qu'il va y avoir une passation des connaissances d'une génération à l'autre. C'est aussi là où les jeunes vont être exposés à des modèles de rôle qui sont leurs aînés. C'est aussi une occasion pour la communauté de sortir des maisons, sortir du village, puis passer du temps dans la nature. Donc, un moment privilégié où les gens se sentent en contact avec le territoire. Et ça, c'est un aspect très important de la culture puis de l'identité inuite. Et donc, dans les études, ce qu'on voit, c'est que chez les Inuits et d'autres peuples autochtones du Nord, il y a toutes sortes d'émotions reliées au changement climatique puis à leur impact sur les communautés et la sécurité alimentaire. Donc, les gens ont rapporté de l'anxiété, la tristesse, la colère. Il faut savoir aussi que, d'une certaine façon, les changements climatiques sont liés à la colonisation. Dans les deux cas, il y a eu disons, comme une attaque extérieure sur la pérennité et le bien-être, le mode de vie traditionnel des peuples autochtones. Et donc, les changements climatiques sont perçus comme l'extension, en quelque sorte, de la colonisation. Donc, de la frustration et de la colère qui est reliée à ça. Aussi des tensions familiales parce que les gens ont moins d'opportunités de pratiquer ces activités sur le territoire, donc plus de temps passé à l'intérieur des maisons, ce qui aggrave un problème préexistant de surpeuplement, parce qu'on manque de maisons dans les villages nordiques, et ainsi de suite. Donc, c'est juste un petit aperçu pour illustrer comment l'insécurité alimentaire liée au changement climatique vient affecter la santé mentale à travers plusieurs dimensions, incluant la culture et les relations interpersonnelles dans les communautés. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. On voit comment les changements climatiques ont une panoplie de conséquences sur les écosystèmes de la planète, les chaînes globales d'approvisionnement en nourriture. Toutes ces conséquences touchent ensuite à la santé mentale. Alors là, ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour réduire ces impacts et s'y adapter? C'est un problème assez complexe, hein, parce que comme on le voit, ça part d'un phénomène planétaire, les changements climatiques qui affectent toute la planète. Et quand on parle de santé mentale, ça va jusqu'à un niveau d'analyse individuelle. Quand on pense à la psychologie d'une personne, qu'est-ce qui affecte sa santé mentale au cours de sa vie? Et ça implique aussi différentes disciplines, hein. Donc, c'est pour ça que Marianne et moi, on a fait équipe pour écrire ce chapitre. Parce que ça traverse les disciplines allant des sciences de l'environnement, la biologie, l'écologie, allant jusqu'à la psychologie et la psychiatrie. Et donc, il n'y a pas une personne qui peut posséder et maîtriser toutes ces disciplines, puis à elle seule, pouvoir, faire une analyse complète de tous ces liens entre les changements climatiques et la santé mentale. Et donc, il y a plusieurs modèles qui ont été proposés, différentes approches pour faire face à ces questions-là qui sont assez complexes. Une qu'on décrit dans notre chapitre, c'est l'approche écosystémique, une approche qui a été développée par le comité scientifique des Grands Lacs dans les années 70, parce qu'à l'époque, ils faisaient face à un problème de qualité de l'eau et ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui affectait la qualité et à son tour la santé de la population environnante. Donc, ils ont réuni des chercheurs et des experts de différentes disciplines, donc encore une fois, sciences environnementales et santé humaine, pour décortiquer le problème puis identifier des solutions. Et l'approche écosystémique, finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on combine différentes disciplines, on combine différents secteurs, donc pas juste des chercheurs, mais aussi des gens de la communauté, des preneurs de décisions, et on réunit tous ces gens-là pour mieux comprendre le problème puis identifier des solutions. Puis en santé mentale, ce genre d'approche est particulièrement importante pour générer des savoirs qui vont nous permettre, comme professionnels de la santé, de mieux reconnaître et de répondre aux situations d'insécurité alimentaire reliées au changement climatique. Marianne, est-ce qu'il y a des exemples précis, des solutions qui sont en voie d'application dans le Nord? Oui, tout à fait. Puis, Vincent a tellement bien décrit comment, du point de vue de la recherche, il y a plusieurs solutions qui sont mises en place pour mieux comprendre. Du côté du Nord, il y a tellement d'exemples inspirants d'adaptation puis de réponses à ces problématiques-là. Par exemple, dans plusieurs communautés, il y a de plus en plus des serres communautaires où les gens font pousser des légumes dans le Nord comme ça. Il y a plusieurs programmes mis en place de soutien aux chasseurs et aux pêcheurs. Il y a aussi plusieurs congélateurs communautaires où est-ce qu'on entrepose des viandes de chasse, des poissons, etc., pour s'assurer un accès. Puis, je parlais du pilier, la stabilité dans la sécurité alimentaire, donc s'assurer un accès en tout temps à ces aliments-là. Puis, il y a des programmes plus larges à des échelles territoriales, presque nationales, comme Nutrition Nord, Nutrition North, qui facilite l'accès à de la nourriture de qualité dans les supermarchés du Nord où est-ce qu'il y a des forts problèmes d'approvisionnement là, à certaines périodes, puis qui mettent en place également des programmes éducatifs sur une alimentation de qualité, des dimensions comme ça. Au niveau aussi de nos villes, parce que là, on parle du Nord, mais au niveau de nos villes aussi, il y a plusieurs exemples inspirants qui sont mis en place pour s'adapter puis qui ont des co-bénéfices. Quand on parle de co-bénéfices, c'est qu'il y a des bénéfices pour s'adapter, mais aussi pour la mitigation des changements climatiques. Ça, c'est un terme qui veut dire de réduire les changements climatiques, dans le fond, là. C'est ça. Puis l'agriculture urbaine en fait partie. Il y a des co-bénéfices aussi pour la santé. Donc, quand on instaure un plan d'agriculture urbaine, il y a une verdure qui est accessible, c'est meilleur pour la qualité de l'air. Il y a des bénéfices pour la réduction du changement climatique et en plus des bénéfices pour la sécurité alimentaire. Et puis pour les liens sociaux qui se créent. Extrêmement. Donc, il y a même des liens avec la santé mentale également. Donc, c'est des initiatives très porteuse, puis Montréal fait figure de proue à l'échelle internationale par rapport à l'agriculture urbaine. Je vous invite à aller voir, par exemple, sur Cultive ta ville, c'est une carte là, qui met plusieurs initiatives d'agriculture urbaine en place pour mieux les visualiser, aller même les visiter, parce que comme vous dites, là, c'est super intéressant pour les liens sociaux d'aller faire des belles rencontres là-bas. Puis, je terminerai juste en mentionnant aussi que, bien sûr, l'accord de Paris fait partie des solutions globales pour réduire les changements climatiques. Donc, on suit ça, cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 qui a été adopté par 196 pays. Donc, on continue de suivre les développements là, par rapport à l'accord de Paris. Ben oui, c'est ça. Il faut continuer de suivre ces développements parce que comme vous l'avez expliqué là, dans cette entrevue, puis comme donc vous l'expliquez dans votre chapitre de livre, on voit que les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire sont là et que ça a aussi des effets sur la santé mentale. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps d'expliquer ce chapitre de livre, d'avoir révéler comme ça le fruit de vos recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Vincent Paquin, qui est médecin résident et chercheur en psychiatrie à l'Université McGill et, comme vous l'avez entendu, qui étudie les divers aspects de l'environnement, comment les médias numériques, l'insécurité alimentaire et les espaces verts influencent la santé mentale, et Marianne Falardeau-Côté, qui est chercheuse postdoctorale à la chaire de recherche littorale de l'Université Laval. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et la semaine prochaine, notre balade scientifique nous emmènera en forêt et observer les oiseaux. Et maintenant, c'est l'heure de laisser le micro de CKRL 89.1 à Cassiopée Lemoine qui va vous accompagner toute l'heure suivante avec En aparté. Possible rêve porter. chagrins des départs, brûlés d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer. M'aime trop, m'aime mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. M'aime trop, m'aime mal, pour atteindre à son écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile.